Salut, salut, salut, comme tous les dimanches soirs, 21h pétantes, c'est Lost in Space sur Radioactive 100 FM, votre rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales. Et comme tous les dimanches, on va attaquer avec des choses que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'écouter. J'ai retrouvé une très vieille cassette d'un groupe quasiment inconnu du milieu des années 80, les Cinetics, qui n'ont enregistré absolument rien, si ce n'est cette démo. On en écoutera deux ou trois morceaux dans la soirée. Pour une démo, c'est plutôt un son assez propre. Vous allez voir, chant français, rock, très classique. C'est ce qu'on appelle des petites pépites introuvables. Ça n'a jamais, bien évidemment, été sorti en disque. On en trouve quelques références sur Internet, mais c'est à peu près tout. Comme d'habitude, si vous avez besoin de retrouver, de savoir les morceaux que nous allons passer ce soir, eh bien, il n'y a qu'une seule solution, parce que Shazam ne fonctionne pas là-dessus. C'est de vous connecter sur le site de la radio. Vous allez retrouver la playlist de cette émission et des émissions précédentes. Allez, c'est parti, hein, notre compagnie pendant cette bonne partie de la soirée. Allez. Déjà dans les gants blancs, leur beau gant blanc a des taches de sang. Ma folle vieille agent me racontait. On pouvait frapper le tas de gens. Oh. Ce matin-là, je sors de mon lit, je me rase et je prends un bain. Alors qu'on était seulement lundi et que je m'étais récuré à fond l'avant-veille. Ensuite, je passe mes vêtements du dimanche, ceux qui me servent aussi les jours où j'ai une réunion. Mon Stetson tout neuf qui m'a coûté 60$, mes bottes Justin à 70$ et mon Levi's à 4$. Je me plante devant le miroir et je m'examine soigneusement de la tête aux pieds. Je veux être sûr de ne pas ressembler au premier bouseux venu, parce que je m'apprête à rendre visite à un ami. Je vais voir Ken Lacey et lui demander conseil au sujet de mes problèmes, et j'essaye toujours de me montrer à mon avantage quand je vais voir Ken Lacey. Pour descendre au rez-de-chaussée, je suis obligé de passer devant la chambre de Mira, et elle a laissé sa porte ouverte pour avoir un peu d'air, et sans me rendre compte de ce que je fais, je m'arrête et je regarde à l'intérieur. Et puis j'entre dans la chambre et je reluque Mira encore un peu. Et je m'avance tout doucement vers le lit, sur la pointe des pieds, et je reste là, à la regarder en me léchant les babines, et je me sens tout électrique. Oh, je vais vous dire un truc à mon sujet, et c'est la vérité. Il y a une chose dont je n'ai jamais manqué. Je n'étais encore qu'un môme qui marchait pieds nus, tout fier dans ses premières culottes courtes, quand les filles ont commencé à me sauter dessus. Et plus les années passaient, plus elles étaient nombreuses à le faire. Parfois je me disais, Nick, que je pensais Nick Corey, il vaudrait mieux que tu fasses quelque chose pour te débarrasser de toutes ces filles. Tu devrais te trouver une cravache pour les repousser, sinon elles auront ta peau. Mais je n'ai jamais pris de cravache parce que je ne supporte pas de faire du mal à une fille. Dès que j'en vois une pleurer à cause de moi, je cède à tous ses caprices. Enfin bon, pour reprendre le fil de mon histoire, je n'ai jamais manqué de femmes et elles ont toujours été vraiment très gentilles avec moi. Vous avez peut-être du mal à le croire, vu la façon dont je reluquais ma propre femme, Mira. La bave aux lèvres, tout est moustillé. Parce que Mira, elle a un bon paquet d'années de plus que moi et elle a l'air tout à fait aussi garce qu'elle l'est vraiment. Et pour être franc, c'est une sacrée harpie. Mais moi, quand j'ai une idée dans le crâne, je n'arrive pas à penser à autre chose. Et même si je n'étais pas en manque, vous savez comment ça se passe. Je veux dire, c'est un peu comme manger du pop-corn. Plus vous en avalez, plus il vous en faut. Comme c'est l'été, Mira s'est couchée sans chemise de nuit et elle a repoussé le drap à coups de pied. Et elle dort à plat ventre, si bien que je ne peux pas voir sa figure, ce qui la rend beaucoup plus jolie à regarder. Alors je reste planté là, à la reluquer, tout excité, et finalement je n'en peux plus et je commence à déboutonner ma chemise. Après tout, que je me dis, après tout, Nick Corey, cette femme-là, c'est ton épouse et tu as certains droits. Bon, je suppose que vous devinez ce qui s'est passé. Ou bien je suppose que vous ne pouvez pas le deviner du tout, parce que vous ne connaissez pas Mira, et du même coup, vous ne savez pas la chance que vous avez. Bref, elle se retourne d'un coup, elle se retrouve sur le dos, et elle ouvre les yeux, elle me demande « Dis-moi Nick, quel genre d'idée tu peux bien avoir derrière la tête ?» Je lui explique que je m'apprête à me rendre dans le comté dont Ken Lacey est le shérif, que je rentrerai sans doute tard la nuit, et qu'on va sûrement se sentir seul, elle et moi, chacun de notre côté. Alors, on pourrait peut-être se dire gentiment au revoir avant que je parte. Peu. J'ai l'impression qu'elle me crache le mot au visage. Tu crois que je voudrais de toi, même si j'étais d'humeur à avoir une relation avec un homme ? Eh bien, je pensais, peut-être que Mira n'aura rien contre, je veux dire, c'est ce que j'espérais plus ou moins d'ailleurs, pourquoi pas après tout ? Parce que j'ai déjà du mal à supporter de voir ta tête, voilà pourquoi, parce que t'es un crétin. Vois-tu, Mira, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec toi. Enfin, je dis pas que t'as tort, mais je dis que t'as pas raison non plus. En tout cas, même si je suis un crétin, tu peux pas dire que c'est ma faute quand même. C'est pas les crétins qui manquent sur Terre. Oh. des regards ont là, tu le sens bas. Perversité, tu rentres à mes côtés. Perversité, tu brûles sous mes pieds. Perversité, tu rentres à mes côtés. Perversité, tu brûles sous mes pieds. C'est lui qui t'a décrit comme la femme de sa vie. Tes lettres enflammées sont là pour t'accuser. Tes lettres enflammées sont là pour t'accuser. Perversité, tu brûles à mes côtés. Perversité, tu brûles sous mes pieds. Perversité, tu rentres à mes côtés. Perversité, tu brûles sous mes pieds. Ça. Bonjour, comment tu t'appelles ? Jean-Claude Le Saint. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Rien. Très bien. Bonjour, comment tu t'appelles ? Anne Signorin. C'est toi Anne Signorin ? Mais t'es mondialement connue, tu le sais ça. Ah bah, bien sûr que je le sais. Welcome home. Bonjour, comment tu t'appelles ? Moins tu en sauras, moins tu en diras à la police. C'est de l'année, ça, toi. Bonjour, c'est le reporter sans frontières ici et nous allons... T'as le Bluetooth ? Non, ça enregistre là. Non seulement t'es un crétin, mais t'es une lavette. J'ai déjà vu des pauvres types, mais des comme toi, il n'y en a pas deux. Explique-moi un peu si c'est vraiment comme ça que tu vois les choses. Qu'est-ce qui t'a pris de devenir ma femme ? Écoutez-le, non mais écoutez-le parler ce monstre, comme s'il savait pas pourquoi. Comme s'il avait oublié que j'ai pas eu le choix après avoir été violé par lui. Ça, je peux dire que ça me met plutôt en rogne. Vous savez, elle n'arrête pas de dire que je l'ai violée et à chaque fois je la prends plutôt mal. Ça me serait difficile de lui démontrer que je ne suis pas un crétin ni une lavette, parce qu'en vérité je ne suis sans doute pas très malin. Mais qui voudrait d'un shérif trop malin ? Et à mon avis, il est plus agréable de tourner le dos aux ennuis que de le regarder en face. Ce que je veux dire par là, bon sens, c'est qu'on a tous assez de tracas comme ça, chacun de notre côté, et qu'on peut se passer de s'occuper des ennuis des autres gens. Mais de là à laisser Mira me traiter de violeur, c'est une autre paire de manches. Parce que soyons clairs, il n'y a rien de vrai dans cette histoire. Et parce que ça n'a pas de sens. Pourquoi un type aurait envie de violer une femme quand il y a une flopée de filles au grand cœur qui court après lui ? Eh bien, je vais te dire ce que j'en pense de cette histoire de viol que je lui dis en reboutonnant ma chemise alors que le sang me monte à la tête. Je te traite pas de menteuse parce que ça serait pas poli. Mais je vais te dire une bonne chose, Mira. Si j'aimais les menteuses, je te serrais dans mes bras jusqu'à ce que t'en meures étouffée. Alors là, c'est le début des grandes eaux. Mira se met à pleurer comme un veau qui a perdu sa mère et à beugler de toutes ses forces. Et bien sûr, ça réveille le demeuré, Lenny, son abruti de frangin. Il déboule dans la chambre, la bave aux lèvres, en roulant les yeux, des sanglots dans la voix. « Qu'est-ce que t'as fait à Mira ?» il demande en postillonnant. « Qu'est-ce que tu as encore fait, Nick ?» Je ne lui réponds pas, j'ai trop à faire pour éviter ses postillons. Il s'approche de Mira en trébuchant, elle le prend dans ses bras, en me lançant un regard noir. « Espèce de monstre, regarde ce que tu as fait !» Enfin, bon sang, je lui réponds, j'ai rien fait du tout. Lenny, et je suis bien placé pour le savoir, il passe son temps à chialer pour un oui, pour un non. Et puis j'ajoute, les seuls moments où il verse pas des larmes de crocodile, c'est quand il rôde en ville pour coller l'œil à la fenêtre d'une dame. Espèce de sale brute, dit Mira. Ce que tu reproches à Lenny, c'est quelque chose qu'il peut pas s'empêcher de faire. Et pourtant, tu sais bien qu'il est innocent comme l'agneau qui vient de naître. Ouais, enfin, peut-être. See you. Je n'ai pas grand-chose d'autre à lui rétorquer et l'heure du train approche. Je me dirige vers la porte du vestibule, mais ça ne lui plaît pas à Mira, que je m'en aille sans même lui présenter mes excuses, alors elle remet ça de plus belle. Tu ferais mieux de te tenir à carreau, Nick Corey. Je ne sais pas ce qui va se passer si tu continues comme ça. Je m'arrête net et je me retourne vers elle. Qu'est-ce qui va se passer, je lui demande. Je dirai à tous les gens du comté la vérité sur leur shérif. On verra combien de temps tu resteras encore en poste après ça, quand tout le monde saura que tu m'as violé. Moi, je vais te le dire tout de suite ce qui va se passer. Je serai viré de mon boulot avant d'avoir le temps de dire ouf. C'est sûr et certain, et tu ferais bien de t'en souvenir. Je m'en souviendrai, et moi aussi, je vais te dire quelque chose que tu ne devrais pas oublier. Si je ne suis plus shérif, alors j'aurai plus rien à perdre, pas vrai ? J'en aurai plus rien à faire de rien, tu vois. Et si je suis plus shérif, tu seras plus la femme du shérif. Alors, ça vous avancera à quoi, toi et ton abruti de frangin ? Les yeux lui sortent de la tête et elle reste sans voix, le souffle coupé. Ça fait des semaines que je ne lui ai pas parlé aussi longtemps et elle en est estomaquée. Je lui adresse un signe de tête bien senti et je franchis la porte. J'ai à peine descendu la moitié de l'escalier qu'elle me rappelle déjà. Elle n'a pas perdu de temps. Elle a enfilé un peignoir et elle se force à sourire. En penchant un peu la tête sur le côté, elle me lance. « Nick, tu veux pas remonter un petit moment, dis ?»« Je crois pas, je suis plus d'humeur à ça. »« Ah bon ? Je pourrais peut-être te faire changer d'avis, qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui réponds que ça m'étonnerait. De toute façon, j'ai un train à prendre et il faut que je mange un morceau avant. « Nick, elle me dit un peu à cran, Nick, tu vas pas faire de bêtises, hein, juste parce que t'es en rogne contre moi. » Je lui réponds, « Non, je risque pas d'en faire, pas plus que toi, Mira. »« Bon, passe une bonne journée, mon chéri, toi aussi, Mira. » Je finis de descendre l'escalier, j'arrive dans le tribunal proprement dit et je franchis la porte. Il s'en faut de peu que je ne m'ouvre pas le crâne quand je me retrouve dans la brume du petit matin, alors que le jour est à peine levé. Parce que ce foutu tribunal, on lui refait une beauté et les peintres ont laissé leurs échelles et leurs peaux traîner un peu partout. Une fois sur le trottoir, je me retourne pour voir si le travail avance. Apparemment, ils n'ont rien foutu depuis 2 ou 3 jours. Ils n'ont pas encore terminé le dernier étage côté façade, mais ça ne me regarde pas. Moi, j'aurais repeint le bâtiment entier en 3 jours et tout seul encore. Mais je ne suis pas conseiller du comté et mon beau-frère ne dirige pas une entreprise de peinture. In your locality, living in a Près de la gare, il y a une baraque tenue par des noirs qui sert des grillades et de la friture. Je m'y arrête le temps d'avaler une portion de poisson chat et de pain de maïs. Je suis trop contrarié pour m'offrir un vrai repas. J'ai trop de soucis en tête. Alors je me contente d'une seule portion et puis j'en commande une deuxième, accompagnée d'une tasse de chicorée pour l'emporter dans le train. Le train arrive et je monte à bord. Je me trouve une place près de la fenêtre et je commence à manger. J'essaye de me persuader que je l'ai vraiment remise à sa place, la Mira, et qu'elle se montrera plus docile désormais. Mais je sais bien que je me raconte des histoires, des engueulades comme celle de ce matin, on en a sans arrêt. Elle me menace, elle me dit comment elle va se venger de moi, et je lui fais remarquer que c'est elle qui a le plus à perdre. Après, les choses s'arrangent un peu pendant un moment, mais elles ne s'arrangent pas vraiment. Ce qui est réellement important, ça ne s'arrange jamais. Ça ne s'arrange pas, voyez-vous, parce qu'elle et moi, on ne lutte pas à armes égales. C'est elle qui a prise sur moi, et quand on en arrive à l'affrontement, elle sait que je vais plier. Évidemment, elle ne peut pas me faire perdre mon boulot sans être perdante elle-même. Elle sera obligée de quitter la ville avec sa saleté de frangin, lénie de demeurer, et il se passera sans doute un sacré bout de temps avant qu'elle ne retrouve une vie aussi agréable que celle qu'elle a avec moi. Si elle la retrouve un jour, ce qui n'est pas sûr du tout. Mais elle pourrait s'en sortir, elle aurait quelque chose. Quant à moi, je n'ai jamais eu d'autre métier que celui de shérif. C'est tout ce que je sais faire. Autrement dit, je ne sais rien faire. Et si je n'étais pas shérif, je n'aurais rien du tout ou je ne serais rien du tout. C'est le genre de vérité qui est dur à avaler. Que je sois un moins que rien qui ne fait rien. Et ça me fait penser à un autre souci qui s'ajoute au reste. Il se pourrait bien que je perde mon boulot sans que Mira ne s'en mêle, en disant ou en faisant quoi que ce soit. Parce que depuis un certain temps, je commence à croire que les gens ne sont plus tellement contents de moi. Qu'ils s'attendent à ce que je lève au moins le petit doigt pour faire enfin quelque chose, au lieu de sourire jusqu'aux oreilles et de plaisanter et de regarder ailleurs. Et moi, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre pour renverser la vapeur. Le train aborde une courbe et je commence à longer la rivière un moment. En tendant le cou, j'aperçois les appentis en bois brut du bordel du coin et les deux types des macros avachis sur l'appontement devant le bordel de Pottsville. Ces deux macs, ils m'ont déjà fait des crasses, des vrais tours de cochon. Pas plus tard que la semaine dernière, comme sans le faire exprès, ils m'ont poussé pour que je tombe à l'eau et quelques jours avant, ils s'étaient arrangés comme sans le faire exprès aussi pour que je m'étale dans une flaque de boue. Et le pire de tout, c'est la façon dont ils me parlent, en me traitant de tous les noms et en se foutant de moi, sans le moindre respect, alors que ce serait normal pour des harangues qui s'adressent à un shérif, même s'il leur extorque un peu de fric de temps en temps. Bags full of rice. Il va falloir, je crois bien, que je m'en occupe sérieusement de ces deux mecs, que je prenne des mesures énergiques. Je finis de manger et je me rends aux toilettes pour hommes. Je me lave les mains et le visage au lavabo et je salue d'un signe de tête le type qui est assis sur la banquette recouverte de cuir. Il porte un costume à carreaux noirs et blancs très chic, des bottines à boutons avec des guêtres blanches et un chapeau melon blanc. Il me regarde en prenant tout son temps, laissant ses yeux s'attarder sur mon ceinturon et mon pistolet. Il ne sourit pas et il ne dit pas un mot. De la tête, je désigne le journal qu'il est en train de lire. « Qu'est-ce que vous en pensez de ces bolcheviks ?» je lui demande. « Vous croyez qu'ils vont renverser le tsar ?» Il grogne, il ne dit toujours rien. Je m'assieds sur la banquette à un mètre de lui. En fait, j'ai envie de me soulager la vessie. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'entrer directement dans les toilettes. La porte n'est pas verrouillée, elle s'ouvre et se ferme en claquant selon les mouvements du train, et j'ai bien l'impression qu'il n'y a personne à l'intérieur. Et pourtant, ce type est assis là, comme s'il attendait son tour. Alors même si les toilettes sont libres, ça ne serait pas correct d'y entrer en lui brûlant la politesse. J'attends un petit peu. Je patiente, je me tortille en gigotant, jusqu'au moment où je n'y tiens plus. « Excusez-moi, je dis au type, vous attendez pour aller aux toilettes ?» Il a l'air stupéfait, puis il m'observe d'un sale œil et il me parle pour la première fois. « Ça vous regarde ?»« Bien sûr que non. J'ai simplement envie d'aller aux toilettes et je me suis dit que vous aviez peut-être envie d'y aller aussi. Je veux dire, je pensais qu'elles étaient déjà occupées et que c'était pour ça que vous attendiez. » Il jette un œil à la porte qui claque toujours, qui s'ouvre en grand si bien qu'on peut voir le siège. Il se tourne vers moi de nouveau comme sidéré, dégoûté même. Non mais vraiment. Pardon ? Je crois qu'il y ait quelqu'un là-dedans, c'est votre avis aussi ? Pendant une minute, je pense qu'il ne va pas me répondre. Puis il me dit que ouais, il y a quelqu'un dans les toilettes. Elle y est entrée il y a un instant à peine. Une femme nue montée sur un poney à robe tachetée. Ah, mais comment ça se fait qu'une femme soit entrée dans les toilettes pour hommes ? C'est à cause du poney, il me répond. Lui aussi, il avait envie de pisser. Life's giving. je suis, je ne vois personne. C'est drôle que j'arrive pas à les voir dans un endroit aussi étroit. Vous me traitez de menteur ? Vous prétendez qu'il n'y a pas dans les toilettes de femmes nues sur un poney tacheté ? Je lui dis non, bien sûr, je ne me permettrai pas d'affirmer une chose pareille, mais j'ajoute, c'est que ça presse, je ferais peut-être mieux d'aller dans une autre voiture. Pas question, personne ne me traite de menteur impunément. Je proteste, mais j'ai jamais fait ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Je voulais seulement... Vous allez voir, je vais vous montrer que je dis la vérité. Vous allez rester assis là jusqu'à ce que cette femme et son poney ressortent. Mais j'ai envie de pisser, je veux dire, j'ai vraiment besoin d'y aller. Non, vous ne partez pas d'ici avant d'avoir vu que je dis la vérité. Alors là, franchement, je ne sais plus quoi faire, je n'en ai pas la moindre idée. Vous à ma place, vous auriez peut-être su, mais moi, pas du tout. Depuis toujours, je me montre aussi aimable et aussi poli qu'on peut l'être. Ce que je crois, c'est que si un type est gentil avec tout le monde, eh bien, les gens seront gentils avec lui aussi. Mais ça ne marche pas comme ça tous les coups. La plupart du temps, apparemment, je me retrouve dans le pétrin comme en ce moment. Et je ne sais vraiment pas comment en sortir. Finalement, alors que je suis sur le point de pisser dans mon froc, le contrôleur débarque pour vérifier les billets et ça me donne une chance de m'éclipser. Je suis tellement pressé de me tirer de là qu'il me faut peut-être une minute pleine avant d'arriver à ouvrir la porte du wagon suivant. Et derrière moi, j'entends un éclat de rire qui vient des toilettes. Il se paye ma tête, je parie, le contrôleur et le type en costume à carreaux. Mais j'ai plus ou moins l'habitude qu'on se moque de moi et de toute façon, pour l'instant, j'ai un souci beaucoup plus urgent. Je m'engouffre dans l'autre wagon pour me soulager et croyez-moi, c'est un sacré soulagement. C'est en reprenant le couloir dans l'autre sens, à la recherche d'une place libre pour ne pas retomber sur le type en costume à carreaux, que je repère Amy Mason. Je suis prêt à parier qu'elle m'a vu aussi, mais elle n'en laisse rien paraître. J'hésite un bon moment près de la banquette et puis je me décide et je m'assieds. Personne ne le sait à Pottsville parce qu'on a bien gardé le secret, mais Amy et moi, on a été très liés à un moment. En fait, on se serait mariés si son père n'avait pas eu autant de choses à me reprocher. Alors, on a attendu que le vieux casse sa pipe. Et puis, une semaine environ avant que ça n'arrive, Mira m'a mis le grappin dessus. Je n'ai jamais revu Amy depuis, sauf quand on se croise dans la rue. J'avais envie de lui dire que je regrettais et d'essayer de lui expliquer, mais elle ne m'en a jamais laissé l'occasion. À chaque fois qu'elle me voyait, elle tournait la tête et regardait ailleurs. Ou bien, si je l'accostais, elle changeait de trottoir. probably know as a momentous flop, but never mind. Une clôture de bois qui avait été renversée et gisait sur la pelouse d'une petite maison à colombages. Dans la lueur des phares, il était impossible de discerner la couleur de la maison, mais elle n'eut aucun mal à voir des traces de pneus sur la clôture renversée, on ne pouvait les rater. Un ivrogne au volant, dit Steve, j'ai déjà vu deux bars sans même en chercher. Une idée idiote, songea Cynthia, mais elle aimait de plus en plus son accent du Texas, encore un mauvais présage. Allons, Steve, redescends sur terre. Des hurlements de coyotes s'élevèrent dans la nuit, comme en réponse au vent. Elle se rapprocha de lui. Seigneur, je déteste ça. Qu'est-ce qu'ils ont ? Je n'en sais rien. Ils se traînaient à moins de 15 à l'heure pour pouvoir s'arrêter avant de rouler sur quoi que ce soit que les phares révéleraient au dernier moment. Pas bête. Mais ce qu'elle aurait trouvé plus intelligent encore, ça aurait été un rapide demi-tour et une pointe de vitesse pour quitter ce bled. Steve, tu ne peux pas savoir comment j'ai hâte d'arriver dans une ville avec des néons, des enseignes de banque et des revendeurs de voitures d'occasion ouverts toute la nuit. Je te comprends. Non, tu ne me comprends pas. Quand les gens disent « je te comprends », ce n'est presque jamais le cas. Laisse-moi voir juste dans cette maison, celle-là seulement, et ensuite on se tire, dit-il en rangeant dans l'allée d'une maison de style campagnard sur le côté gauche de la rue. Ils avaient fait peut-être 400 mètres depuis le croisement et Cynthia distinguait encore les feux clignotant à travers le sable qui tourbillonnait. Yeah. 1942. Lumière était allumée dans la maison que Steve avait choisie. Certaines brillantes correspondaient probablement à un salon. D'autres, plus tamisées, plus jaunes, filtraient à travers les trois vitres oblongues de la porte d'entrée. Il releva son bandana sur sa bouche et son nez, puis ouvrit la porte du camion en la tenant fermement pour que le vent ne la lui arrache pas des mains. Reste là, compte là-dessus. » Elle ouvrit sa propre porte et le vent la lui arracha des mains, mais elle était dehors avant qu'il y ait rien pu dire d'autre. Une rafale chaude la poussa en arrière, la déséquilibrant. Elle se retint à la carrosserie. Le sable lui piquait les lèvres et les joues et elle grimaça jusqu'à ce qu'elle ait réussi à remonter son bandana. Et le pire, c'était que cette tempête venait tout juste de se lever, semblait-il. Elle chercha des yeux des coyotes. Leurs cris semblaient si proches, mais n'en vit aucun. Pour l'instant, en tout cas. Steve montait déjà les marches du porche. Merde, le protecteur, tu parles. Elle le suivit, grimaçant à chaque fois que le vent la giflait et la faisait osciller sur ses talons. On se conduit comme des personnages de mauvais films d'horreur, se dit-elle avec dépit. On reste alors, qu'on sait qu'on devrait partir, on va voir là où on n'a rien à faire. C'est vrai, mais n'est-ce pas de cette façon que les gens se conduisent en général? N'était-ce pas la raison pour laquelle, quand Richie Judkins s'était rentré d'une humeur vraiment massacrante et obsédée par son oreille, la petite demoiselle Cynthia était toujours là? N'était-ce pas la raison pour laquelle toutes ces horreurs arrivaient dans le monde? Les gens restaient alors qu'ils savaient parfaitement qu'ils auraient dû fuir. Ils continuaient alors qu'ils auraient dû couper les ponts et se sauver. N'était-ce pas, en dernière analyse, la raison pour laquelle tant de gens aimaient les mauvais films d'horreur? Parce qu'ils reconnaissaient l'enfant terrorisé qui refusait de quitter la maison hantée, même après que le meurtrier s'en était pris à lui. lessive était sur le porche, dans la tempête et les tourbillons de sable. Tête baissée, bandana claquant au vent. Il sonnait à la porte, comme s'il allait demander à la maîtresse de maison s'il pouvait entrer et expliquer les avantages des compagnies privées de téléphone comparées au réseau national. C'en était trop. Cynthia le poussa si brutalement qu'il faillit se retrouver sous le porche, assis dans les buissons et saisit la poignée. La porte s'ouvrit. Elle ne pouvait voir la moitié inférieure du visage de Steve à cause du bandana, mais la stupéfaction qu'elle eut dans ses yeux quand elle pénétra dans la maison lui suffit amplement. « Eh ! » cria-t-elle, « il y a quelqu'un ? Tapis à vendre, très beau et pas cher les gars !» Aucune réponse, mais un bruit étrange venait d'une porte ouverte sur la droite. Une sorte de sifflement. Elle se tourna vers Steve. « Tu vois, il n'y a personne, partons !» Mais il s'engagea dans le couloir en direction du bruit. « Non !» chuchota-t-elle d'un air féroce en le retenant par le bras. « Non et non, ça suffit maintenant !» Il se dégagea sans même la regarder. Ces hommes, ces foutus bons hommes, ces connards de chevaliers si héroïques, et continua sa route. « Bonjour !» dit-il pour que, si quelqu'un voulait le tuer, il sache exactement où il se trouvait. Cynthia avait la ferme intention de ressortir et de remonter dans le camion. Elle attendrait 3 minutes montre en main et s'il n'était pas ressorti, elle démarrerait et partirait, il pouvait en être sûr. Mais elle le suivit dans le couloir. « Il y a quelqu'un ?» Il s'arrêta juste avant la porte ouverte. Peut-être lui restait-il une once de bon sens et risquait un coup d'œil rapide à l'intérieur de la pièce. Oh, God. Les temps avaient changé et Desmond écoutait Hendrix, Sly Stone, puis plus tard Funkadelic. Des avait dégoté un job dans une boutique de disques de Carnaby Street. En ce temps-là, ce genre de situation donnait accès à un monde que la plupart des gens ne connaissaient qu'à travers la presse. Sur la porte d'entrée, on pouvait lire en énormes caractères « Sex, Drugs and Rock'n'Roll ». Death, lui, avait maintenant un pied dans la place, et moi, j'étais son frangin. Au fil des ans, et depuis la disparition de mon père, Saint Ledger, l'attitude de ma mère s'est quelque peu radoucie. Ses fils sont maintenant tous renoués avec elle et aussi entre eux. J'ai fini par réaliser que sa dureté extérieure n'était en fait qu'un dispositif de protection. La vie a dû être incroyablement difficile pour la génération de mes parents, étrangers, dans un pays étrange. Christ Church Primary était une école mixte dans laquelle je suis passé de l'indifférence la plus totale envers les filles aux premiers émois amoureux, pressentant que ces êtres curieux pourraient bien être utiles à autre chose que jouer à chat-bisou. Linda Ward était l'amour de ma vie, mais elle ne l'a jamais su. Et c'est à cause de Christine et de Jennifer que nous avons commencé à tacher nos draps. Établissement de l'Église d'Angleterre à prédominance blanche, c'était la meilleure des deux écoles locales. L'autre, Collie, était fréquentée par les voyous. Le quartier dans lequel j'ai grandi était composé d'un mélange de Jamaïcains, d'Irlandais, d'Anglais et des fameux Grecs susmentionnés. Autant qu'ils m'en souviennent, l'ambiance était aussi harmonieuse que cette bande de paumés déracinés pouvait l'être. Yeah! Quand il y avait des problèmes, ils ressemblaient à ceux que l'on peut voir dans les mauvais feuilletons télévisés. Je n'ai jamais été témoin du moindre conflit racial. Bien que, lorsque les choses se dégradaient, comme c'est inévitablement le cas dans un écosystème aussi fragile, les gens avaient vite fait de ressortir les vieilles insultes racistes. Il y avait là l'assortiment complet des personnages urbains, des cadors au second couteau, et chacun savait à quoi s'en tenir. Yeah. Le 22 novembre 1963, j'étais dans ma classe de 6e quand un professeur est entré dans la pièce et nous a dit que le président John Fitzgerald Kennedy avait été assassiné à Dallas, au Texas. Notre professeur s'est mise à pleurer et quand elles ont vu ça, quelques filles de la classe ont éclaté en sanglots, elles aussi. J'étais sûr que ma mère en ferait autant. Le président Kennedy était une star, un homme jeune, brillant, dont beaucoup de gens se sentaient proches. Kennedy n'était pas un président classique. Il parlait sans cesse du besoin de changement. Je me suis senti triste, tout particulièrement en regardant les filles pleurer autour de moi. Mais c'était une de ces journées, comme la plupart, où je n'avais tout simplement pas envie d'être à l'école. Une pensée a germé dans mon esprit, j'espère qu'on va sortir plus tôt. Et ça a été le cas. dans le film, McLaren nous exhortait à ne jamais faire confiance à un hippie. Cela ne manquait pas de provoquer de l'hilarité, mais personne ne savait vraiment dans quelle mesure ces propos devaient ou non être pris au pied de la lettre. Car la véritable ironie de cette histoire, c'est sans doute que notre foi dans le mouvement punk sera restaurée par des personnes issues de cette engeance-là. I'm Monte était unique en son genre. Il y avait quelque chose de vieux jeu chez lui, comme s'il venait des années 1940. Il s'habillait de façon singulière, aussi avec des pantalons en tweed large et des chemises écossaises. Il portait également sa cravate, obligatoire pour l'école, à l'intérieur de sa chemise, dans le genre militaire. Je me sentais à l'aise avec lui. J'ai toujours eu une fascination pour les gens différents. Help me with a change. And I feel like I am the son of a mother. Can you help me? But you can't tell me anything. Like her, you can help me explain. Gonna try till I die. Died it all inside. Let it out, let it out. But I can't help you. Mother, ain't your mother. How does it hurt? But what is worth that? 'cause yesterday's gone and tomorrow has so much in store. Al Aronowitz. j'ai donné au Velvet Underground la possibilité de faire son premier concert. Je leur ai programmé une première partie au Summit High School dans le New Jersey, et le premier truc qu'ils ont fait, c'est de me piquer mon magnétophone miniature. C'était juste des junkies, des escrocs, des arnaqueurs. La plupart des musiciens de cette époque avaient la tête remplie d'idéaux éthérés, mais les Velvets n'en avaient rien à foutre. C'était des arnaqueurs, rien d'autre. Et leur musique n'était pas accessible. C'est ça qu'Albert Grossman, le manager de Bob Dylan, demandait toujours, si la musique était accessible ou pas. Eh bien, la musique du Velvet était complètement inaccessible. Mais je m'étais engagé. Alors, je les ai installés au Café Bizarre et je leur ai dit, travaillez là, histoire de vous faire connaître un peu, faites-vous les dents et mettez-vous au point. We'll be right back. Tu sais, on ne peut jamais s'en rendre compte quand on partage le lit de quelqu'un. Au bout du compte, j'ai bel et bien l'impression qu'il manquait quelque chose avec Vivienne. Je pense que c'était merveilleux de la connaître et de profiter de sa compagnie de temps en temps, mais j'étais un morveux de ceux qui veulent être exubérants et fous. Je me suis toujours senti inhibé en sa présence, j'avais des complexes dont je ne me suis débarrassé qu'après les événements.